Monsieur le Président, merci à l'ensemble des organisateurs d'avoir accepté ma communication et ma présence ici à Lyon pour vous parler bien de la capitale girondine, d'une des capitales du Sud-Ouest, sur la question donc des nourritures terrestres. Et effectivement, quand j'ai proposé cette communication, j'étais parti sur constat sur les crises, parce que effectivement, travaillant sur la crise du 16 mai ou de l'affaire Dreyfus, j'avais trouvé quelques cafés, quelques lieux. Mais tout en précisant les choses et les sources que j'avais, je me suis aperçu que le sujet, beaucoup plus large, n'a jamais été vraiment traité pour Bordeaux. Donc ce que je vous propose là, c'est une communication un peu plus vaste hein, sur les cafés, les restaurants et les autres lieux au cœur de la vie politique bordelaise, au début de la Troisième République. Alors, j'évoquerai les crises, mais aussi les luttes politiques, à travers donc, les sources qui m'ont été données, notamment les archives publiques, les surveillances policières et la presse, bien sûr, qui constituent les sources principales. Je commence par un témoignage, j'espère que vous, tout le monde le voit, un témoignage de Bordeaux, capitale des catastrophes. Vous savez que Bordeaux est trois fois capitale de la France, et en 1871, j'ai relevé le témoignage d'Henri Wechlinger, qui témoigne des souvenirs en tant qu'archiviste de l'Assemblée nationale, ce témoignage de la vie des cafés à Bordeaux. Il disait « J'allais le matin, l'après-midi et le soir à l'Assemblée, c'est un lieu très fréquenté où l'on cherchait des nouvelles à sensation et presque couru que le café de Bordeaux, qui continue encore aujourd'hui sur sa terrasse et dans ses salles aux ors criards, aux peintures tapageuses et aux statues en chocolat, à attirer les curieux et les personnalités de tout genre. On s'y pressait, on s'y foulait une heure avant la séance et après même la séance, et on échangeait des propos mélancoliques sur la situation de la France. On y faisait aussi une correspondance active en buvant des bocs, du café, en prenant des apéritifs ou des glaces. De nombreux journaux passés de mer en mer, rédigés par des écrivains bordelais ou parisiens, mais tous imprimés à Bordeaux. Nous allons quelquefois déjeuner aussi. Chaque enfant, redoré pour sa bonne chère, on y trouvait nombre de gourmets et on y payait pas alors des prix exorbitants. Au café de Bordeaux, on retrouve force, amis et connaissances. En effet, le tout Paris s'y donnait rendez-vous, les francs-tireurs et les francs-fileurs, les fantassins, les mobiles, les cavaliers de passage, les officiers, les généraux disponibles, les écrivains, les journalistes, les fonctionnaires, les artistes, les dames du monde et les autres, les curieux, les oisifs s'y rencontraient à l'heure dite. C'était comme aujourd'hui un brouhaha de conversations, d'échanges de propos tristes ou gais, des appels bruyants, des dialogues expressifs au milieu desquels sonnait et résonnait l'accent bordelais, martelé et appuyé, qui ne laisse en chantant passer aucune consonne. L'affluence se porte toujours au café de Bordeaux, car c'est là que les amateurs de nouvelles vraies ou fausses, les oisifs de tout acabit, les spéculateurs et les chercheurs d'affaires, les grandes mondaines égarées à Bordeaux viennent s'installer. Alors, évidemment, cette vision très colorée des cafés bordelais, dans une ambiance particulière et dans un contexte particulier, nous interroge sur le lieu, en effet, où l'on parle, où on discute, où on se dispute autour d'un verre, reflète pas tout à fait les usages politiques du café bordelais. Comme le souligne Jérôme Grévy, les cafés sont aussi le berceau de la démocratie républicaine. Dans son publication de sa thèse il y a quelques années, il avait évoqué l'importance des liens qu'il y avait entre les républicains et les cafés, avec le mépris notamment des conservateurs, des bonapartistes, des royalistes, pour ce qu'ils considéraient des lieux de souveraineté populaire tout à fait négligeable. En même temps, l'usage du café va devenir aussi une utilisation pour les forces de gauche. Et c'est la volonté de ces forces de gauche de s'inscrire dans une contestation d'un bourgeoisie d'affaires, notamment à Bordeaux, qui ne fréquente pas ces lieux-là. Il souligne aussi, Jérôme Grévy, une véritable évolution des modes de vie, comme ça a été souligné hier par Gilles Vernon dans sa communication, hein, l'évolution des lieux d'échange, de consommation et de véritables foyers de sociabilité politique. Ils sont souvent surveillés par la police et font l'objet de rapports, bien sûr, quotidiens par la police en général. Donc, ces débits de boissons et ces lieux de divertissement constituent un des éléments de structuration et d'organisation de la sociabilité politique. C'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, quelques données statistiques rapidement pour vous donner un peu la structure bordelaise à la fin du 19e siècle. Bordeaux, en 1886, compte 220 000 habitants et on compte grosso modo 330 000 cafés et estaminets, c'est-à-dire, je fais un ratio très rapide, très simple, d'un café pour 666 habitants. Ne voyez rien de mal ou de pervers dans ce chiffre, c'est le pur résultat d'un calcul. 440 restaurants. Un restaurant pour 500 habitants et la décennie suivante, en 1899, alors que la population bordelaise, comme beaucoup de villes françaises, stagne plus ou moins, en progression, mais pas forte progression, on compte plus que 231 cafés et estaminets, donc un café pour 1142 habitants et 538 restaurants pour 491 habitants. Alors ces statistiques veulent dire ce qu'elles veulent dire ou pas, on voit bien qu'il y a une réduction des lieux de consommation d'alcool et de nourriture, une sorte de concentration, qui serait en partie due à l'attirance de la ville, notamment en matière touristique, et la généralisation des cafés, restaurants, bars, comme on en a parlé hier aussi, ce qui fait qu'il y a une contraction aussi du marché au sein de la capitale. Ça va avoir effectivement une influence sur les lieux de réunions politiques, évidemment. Les cafés et les restaurants, mais surtout les cafés, ne sont pas les lieux privilégiés pour les réunions. Je les évoque ici rapidement. En effet, il y a des salles qui existent, notamment des amphithéâtres qui sont courus par les assemblées politiques. Notamment, on retrouve l'amphithéâtre de l'école professionnelle de la rue Saint-Seurin, l'ancêtre de l'école de commerce de Bordeaux. On trouve aussi l'Athénée municipale, rue des Trois-Conils, après 1893, et d'autres salles, dont on a du mal à les retrouver sur un plan, la salle Saint-Paul, rue des Facultés, ou encore le théâtre des variétés, ou des variétés lycées, comme il s'appelle. Un homonyme du célèbre théâtre parisien, mais le théâtre Variété Lycée est l'une des plus anciennes salles bordelaises puisqu'elle a été créée au moment de la Révolution française. Donc on a, si vous voulez, ici un certain nombre de salles qui ne sont pas des lieux effectivement de plaisir, de divertissement bordelais. Mais cependant, on a quelques salles qui vont susciter, je développais tout à l'heure un petit peu cette salle mythique bordelaise, des lieux qui sont dédiés au divertissement mais aussi aux assemblées politiques. C'est le cas de l'Alhambra, rue d'Alzon, donc en perpendiculaire à la rue judaïque dans Bordeaux, qui n'existe plus maintenant mais qui a été un haut lieu de la vie politique bordelaise. Je vous développerai tout à l'heure quelques éléments sur ces manifestations politique importante. D'autres lieux aussi disparus ont été l'objet de grands rassemblements, comme sur les boulevards le Casino des Lilas, dont j'ai essayé de trouver quelques représentations, c'est très difficile de trouver des illustrations, et aussi le Palais de Flore, alors pas celui parisien mais celui de Bordeaux, boulevard de Codéran aussi, qui est très sollicité par les meetings politiques. C'est des établissements qui ont disparu et qui auraient une assez mauvaise réputation. La bonne morale bordelaise déconseille les gens d'aller là-bas parce que, certes, il y a du jeu, mais il y a aussi une sorte de tripot qui se développe, etc. Donc, c'est vraiment des endroits où il n'y a pas de très bonne réputation. Mais ce ne sont pas les cafés, effectivement, qui nous intéressent ici. Alors, j'ai essayé de tenter quelque chose qui est vraiment artisanal, je suis désolé pour ceux qui sont adeptes d'une cartographie très précise, j'ai fait ça avec un car artisanal, j'ai essayé de cartographier un peu les cafés que j'ai retenus des lieux de réunions politiques à Bordeaux, donc entre 1881 et 1910, c'est à peu près les dates extrêmes que j'ai mis en évidence ici, et j'ai essayé de voir quels sont les temps de fréquentation que je trouvais dans ces réunions-là. Alors la plupart, vous voyez, le jaune très très clair, c'est qu'une fois est mentionné une réunion politique, une assemblée de personnes dans ces lieux. Et plus on augmente, plus on va dans l'échelle, plus on s'aperçoit effectivement qu'il y a des établissements beaucoup plus prisés que d'autres. qui constituent vraiment des lieux politiques très importants. Je peux les mettre ici en évidence. Vous avez le Café de Russie, le Café des Girondins, le Café de la Paix, et surtout, je l'ai mis presque en rouge, en tout cas d'une manière beaucoup plus sombre, le Café de Clédé, qui est là vraiment très fréquenté, notamment par le mouvement socialiste bordelais. Alors, cette géographie qui vous apparaît ici, essayez de montrer quelle était la répartition entre les forces de droite, plutôt royalistes et partisans d'appel au peuple, et les forces de gauche, plutôt, en tout cas, socialistes et anarchistes. C'est vrai que je ne trouve pas la présence des républicains, ou très peu, qui utilisent d'autres salles municipales, puisqu'on est dans les années où la République opportuniste est au pouvoir, avec des municipalités conciliantes. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver des sièges de salles que des bistrots de quartier, je dirais, sans être bien sûr désobligeant à l'égard de tout le monde. Et cette répartition fait aussi que le parti républicain, par exemple, opportuniste, a son siège social. Il a des moyens financiers de payer un siège social qui est dans 1885, si j'ai bien trouvé là, au 56 rue de la rue Sainte-Catherine, au premier étage. Hein, donc voilà, on a aussi des habitudes, on en a peut-être peu parlé, parce que ce n'était pas le sujet de ce colloque évidemment, mais des sièges aussi de réunion dans les journaux, hein, qui soutiennent évidemment les partis. Hein, je prends l'exemple du Nouvelliste de Bordeaux, où les royalistes aussi s'y retrouvent assez largement. En tout cas, pour cette typologie que j'ai essayé de mettre en place, on voit que la fréquentation occasionnelle où on n'a qu'une seule personne ou qu'une seule fois la présence d'une réunion dans un café, on peut considérer que ça peut être une solution à court terme pour obtenir une salle qui se trouve souvent soit à l'arrière ou au premier étage du café. C'est quand même que sur les 25 que j'ai relevés, 14 d'entre eux sont concernés. La fréquentation épisodique, comme notamment la Rotonde ou la place Gambetta, ou le café de Bataille ou de Vincennes, et surtout le café des Pyrénées, montre aussi une fréquence beaucoup plus assidue. Alors, ça peut être dû à l'acceptation du tenancier, on va le voir tout à l'heure avec quelques exemples, c'est pas toujours évident, ou alors l'habitude de s'y retrouver. Enfin, je l'ai dit, l'identification du siège du parti est tout à fait remarquable par le Café de Russie ou des Girondins en général. Alors, pour le mouvement, par exemple, socialiste, pendant cette longue période, ils ont beaucoup utilisé de café. Si vous voyez dans la carte que j'ai dressée ici, il y a beaucoup de mouvements socialistes. Alors, c'est plus surveillé, évidemment, que les républicains opportunistes. Donc, il y a un effet loupe aussi qu'il faut bien se garder, hein, évidemment, pour analyser. La présence très forte au café Clédé, place Gambetta, est assez étonnante, hein, parce que si on tient compte de la répartition des quartiers riches et pauvres, si on garde cette typologie en se disant, ben oui, les royalistes et bonapartistes vont se trouver dans les quartiers riches et les mouvements socialistes, voire anarchistes, dans les quartiers beaucoup plus populaires et pauvres, bien cette carte ne montre pas exactement la situation. C'est vrai, par exemple, pour les cafés Bonneau que vous voyez bien au sud, de côté de ce qu'on appelle encore le bassin à flot et Bordeaux-Lac maintenant, qui n'existait pas à l'époque. Là, oui, on est des quartiers populaires, donc trouver ici un mouvement socialiste dans un quartier populaire, ça tombe sous le sens. Par contre, retrouver cours du Médoc, des royalistes, c'est beaucoup plus surprenant, hein, puisqu'on est vraiment dans un quartier très ouvrier. Pareil pour la Bastide, hein, au bord de la Bastide, c'est très ouvrier aussi à l'époque, et là, on voit effectivement des mouvements ouvriers. De l'autre côté du pont, on est dans un quartier là aussi populaire, du côté de Saint-Michel, Saint-Pierre, et on retrouve quand même des bonapartistes au café du Hamel. Voilà. Donc il faut relativiser, hein, la géographie, je dirais, sociologique avec l'appartenance politique, qui fait qu'il y a beaucoup de circonstances en l'occurrence. Il faut aussi souligner que le choix quelquefois des cafés se fait, je l'ai trouvé assez rarement, mais je l'ai trouvé, pour des raisons électorales, surtout à la veille des campagnes électorales, où on choisit un café parce qu'on va cibler des électeurs d'un quartier pour lequel un candidat, alors qu'il soit royaliste, bonapartiste et a fortiori socialiste, doit séduire aussi les électeurs. Donc on est là aussi dans une situation, je dirais, de motivation importante. J'ai parlé tout à l'heure de la motivation des tenanciers. La question de savoir si les patrons de café étaient effectivement mus par une fibre militante ou au moins une sympathie pour les gens qu'ils accueillaient. Et l'exemple que j'ai trouvé était assez intéressant, puisque au Café des Pyrénées, chez Narbes, route de Toulouse, on voit un affrontement en 1895 lors d'une discussion entre anarchistes. Un des orateurs se fait interpeller par un consommateur et là aussi ça, les chaises et les tables font partie bien de la discussion forte qu'ils ont entre eux, à tel point que le tenancier intervient et se fâche vraiment très fort contre les anarchistes qu'il considère donc comme non grata à son établissement. Donc on voit bien que la motivation première est certainement peut-être beaucoup plus économique que politique, parce que des réunions, on consomme, etc. Donc le mouvement hésite à revenir, la semaine suivante il y a encore réunion dans ce café, mais les principaux instigateurs ne sont pas là, et on veut revenir à quelque chose de plus correct. Et il se trouve une demi-solution assez intéressante, c'est que le tenancier veut bien qu'il revienne dans l'établissement, mais il ne parle plus de politique. Ils ont le droit à jouer aux cartes, ils ont le droit à consommer, et à ne parler qu'en conciliabule, c'est marqué dans le rapport, à deux ou trois, donc à bas mot, si vous voulez. Là où la politique nécessite de l'enthousiasme et quelquefois de la passion, il faudra le faire à demi-mot. Ils ont dû apprécier les anarchistes d'avoir une ambiance monacale. Bien. Donc c'est des exemples, hein, bien sûr, qui sont beaucoup plus nombreux. J'aurai l'occasion dans le papier de le développer davantage. Mais il faut aussi voir, alors ça je ne vais pas synthétiser exactement, mais je le ferai pour la communication, la différence qu'il y a entre réunion publique et réunion privée. On en a parlé hier, mais la loi de 1881 est très claire, vous savez qu'elle désigne un bureau avec un président, etc. Et la plupart du temps, ils hésitent beaucoup, les mouvements, qu'ils soient de droite ou de gauche, surtout la gauche, d'établir ce bureau et se présenter plutôt comme réunion privée que réunion publique. En même temps, quand il y a des réunions publiques, c'est aussi pour attirer un peu plus de public et de personnes, évidemment, de ce côté-là. Alors, je voudrais rapidement, sans trop monopoliser effectivement la parole, vous parler d'une salle particulière qui est la salle de l'Alhambra. Attendez, j'ai un problème sur... Excusez-moi. Ah oui, voilà. Alors, la salle de l'Alhambra, qui est un café et théâtre. Alors, c'est un établissement qui a été installé sur un ancien cirque. On est vraiment dans un quartier de Bordeaux assez bourgeois, mais en même temps assez divertissant et festif, autour de la rue Judaïque, pour ceux qui connaissent. Et ce complexe, né en 1878, devient très vite un haut lieu du divertissement bordelais, où on voit effectivement un café théâtre, mais surtout une salle qui permet d'accueillir beaucoup de participants. Alors, j'ai relevé ici sur le tableau les tendances politiques et la présence du nombre de personnes qui posent question, parce que ces nombres de personnes sont, vous voyez, entre quelquefois 32 personnes. J'imagine louer une salle aussi chère pour 32 personnes, ça a dû être un couac financier, jusqu'à, vous le voyez, 4000 personnes. Or, la jauge de l'Alhambra, c'est pas plus de 2200 personnes. Donc, je me suis interrogé sur ces questions-là, en me disant, problème de jauge. Alors, c'est bien que le comptage policier pose toujours question, même au XXIe siècle encore, mais je pense que, et je l'ai compris à travers un témoignage que j'ai relevé dans La Liberté du Sud-Ouest de juillet 1909, où on a un meeting, donc là, organisé autour de Déroulède, et on voit un peu l'ambiance et l'effervescence qu'il y avait autour de ce meeting-là. Malgré la petite pluie froide qui tombe et qui fait de cette soirée de juillet une véritable soirée d'octobre, excusez-moi, je touche plus, un public nombreux se dirige vers l'Alhambra, bien avant l'heure fixée par la réunion. Dès 8h moins le quart, sous la lueur des crues des lampes électriques, on se bouscule même quelque peu par crainte de ne plus trouver les places qu'on désire. La grande salle de l'Alhambra se remplit rapidement et offre un superbe spectacle. Plus de 4000 personnes, on retrouve un chiffre assez faramineux, cherchant les derniers coins qui restent libres. Sur les escaliers, les marches servent de banc. Dans les côtes, les loges, les baignoires débordent. Quant aux galeries, elles sont garnies jusqu'aux corniches. On comprend bien que les mesures de sécurité sont loin d'être respectées. Évidemment, dans ce mythique, on remplit. Et pour voir qui? Eh bien, pour attendre le héros de la soirée, Paul Déroulède. Et là, c'est quand même assez étonnant de lire ça dans la Liberté du Sud-Ouest en 1909, l'impression d'arriver d'une rockstar dans une salle pleine à craquer. On dit que les guichets sont toujours assiégés, en retard d'ouverture, et d'un mouvement spontané, presque toute la salle est debout et par la porte du fond, tandis que des bravos et acclamations étouffent les accords de l'orchestre, grand, droit, drapé dans sa longue redingote, l'œillet rouge à la boutonnière, la figure souriante et toujours jeune, l'œil clair, vif et bon, Paul Déroulède apparaît. On monte sur les chaises, les chapeaux s'agitent, on s'acclame le grand patriote dont on ne peut point partager toutes les idées politiques, mais qui a depuis longtemps conquis toutes les sympathies et l'avenir de noble caractère. On a la rockstar qui est là, effectivement on comprend pourquoi 4000 Bordelais se précipitent pour voir le grand Paul Déroulède. Alors voilà, au-delà de l'anecdote, si vous voulez, ça vous montre aussi l'importance que revêt cette salle et l'importance qu'elle a aussi et le rôle qu'elle joue dans les banquets. Hein, donc ça serait la troisième partie, mais là je vais vraiment très très vite résumer. Pour les banquets, on trouve effectivement très souvent l'Alhambra qui est sollicitée par toutes les forces politiques. Pour des raisons effectivement de place et de contenance, c'est évident. Et là aussi, on en parlait hier, je m'en souviens, sur la question aussi d'accessibilité au banquet et la cherté aussi des contributions qu'on demande. Et c'est vrai qu'on voit quand même que les forces de gauche socialistes, notamment, demandent peu de participation, un franc 50, maximum 2 francs, j'ai trouvé, alors que du côté de forces conservatrices, bonapartistes, royalistes, on demande beaucoup plus. Jusqu'à 5 francs, ce qui est quand même assez considérable à l'époque. Mais on remplit quand même les salles, hein, on est convaincu que le public peut le payer. Et on voit certains proposer d'offrir le vin ou le champagne. En matière de boissons, j'ai été fort surpris aussi que l'apéritif qui est servi après tous ces meetings, notamment à l'Alhambra, c'est du punch. Donc j'étais surpris parce que, étant dans une ville et dans une région de vin, eh bien, j'ai cherché un petit peu pourquoi les conférences punch, comme on les appelle, ont du succès. Eh bien, ça vient d'une tradition anglaise. On sait que Bordeaux était une capitale anglaise au Moyen-Âge et que la liaison aussi aux Antilles et le port colonial qu'est Bordeaux fait que le punch est la boisson préférée des conférenciers et de leur public à la fin. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais ce n'est pas le but, hein, évidemment, de prendre tout le temps, de montrer qu'en fait, si vous voulez, les cafés bordelais et les lieux de divertissement sont des lieux de meeting politique. Et j'insiste sur l'Alhambra, puisque l'Alhambra ferme en 1982 et que Jacques Chaban-Delmas, dont on a tout à l'heure parlé beaucoup, commençait toujours ses campagnes électorales à l'Alhambra, rue d'Alzon, jusque dans sa fermeture en 1982. Voilà, je vous remercie. Thank you.